Chapitre 94. Honorer l'invité. Allah Ta'ala dit: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ Est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Quand ils entrèrent chez lui et dirent paix, il leur dit paix, visiteurs inconnus. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Puis il alla discrètement vers sa famille et apporta un veau gras. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Ensuite, il l'approcha d'eux. Ne mangez-vous pas, dit-il. Sourate 51, versets 24 à 27. Quant à son peuple, ils vinrent à lui, accourant. Auparavant, il commettait des mauvaises actions. Il dit, « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable ?» Sourate 11, verset 78. 706. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, que celui qui croit en Allah et au jour dernier reçoive généreusement ses invités. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne rompe pas les liens du sang. Et que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise. Al-Bukhari et Muslim. 707. Abu Shuraih, Khuwaylid ibn Amr al-Khuza'i, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Que celui qui croit en Allah et au jour dernier accorde ses droits à l'invité. » On demanda « Quels sont ses droits, ô messager d'Allah ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « L'accueillir un jour et une nuit, et l'hospitalité s'étend jusqu'à 3 jours. Puis au-delà de cette période, c'est une aumône. » Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version de Muslim, il n'est pas permis aux musulmans de prolonger son séjour chez son frère musulman au point de le rendre coupable d'un péché. On demanda, ô messager d'Allah, comment peut-il le rendre coupable d'un péché? Il répondit, en prolongeant son séjour chez lui, alors qu'il n'a plus les moyens de lui offrir l'hospitalité.